Tout le monde va bien ? Merci, pour la prochaine aussi, j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça au Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. Time to party, time to party. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Ouais. Ce soir, le Blues Café aurait pu s'appeler le Folk Café ou le Country Rock Café. Ou tiens, Francis, j'ai une idée, le Americana Folk Rock Blues Café Live. Tellement les influences de notre invité sont nombreuses. Amoureuse de la musique américaine au sens large, fan des grands espaces et de la Route 66, on dit d'elle que son sourire et sa voix brisent les cœurs. Alors Francis, attention, parce que ce soir, je vais t'avoir à l'œil. Mon cœur est déjà brisé, mais en tout cas... J'annonce sur la scène du Blues Café quelqu'un que vous avez déjà vu avec Manu Lanvin, c'est Jimmy Montou à la batterie. À la guitare, Michal Nengeloun. À la basse, un tatoué. Alors évidemment, à la radio, ça se voit pour beaucoup. Il s'appelle Xavier Zoli. Et la blonde que vous avez au milieu de ces garçons s'appelle Gaëlle Buzzwell. On les applaudit. Stay through the break of the day. It's in the way you're let's see what I cannot tell. Look down that street, it's like walking through a maze. The colors blend and reveal the world of skill. Lonely the cow, the tree full with a bird. It's just a lingering shadow. Try to get it right. Each time I open up, she'd be there with a knife. I'm not a sadist, if I'm the one in pain, I meet you afraid. My lonely shadow stays. It's just a lingering shadow. Buswell est merci ce soir beaucoup. Notre invitée dans le Blues Café Live. Elle viendra nous parler notamment de cet album Black to Blue. Elle va nous rejoindre ici pour en parler, Gaëlle Buswell. Ça nous fait vraiment plaisir de la voir. Et justement, vous avez eu déjà deux aperçus de cet album avec ces deux titres. Si je ne me trompe pas, c'était The Joker et Lingering Shadows. Cédric parlait tout à l'heure de ton sourire ravageur. Bon, c'est pas radiophonique, mais les gens qui sont là s'en rendent compte parce que tu es quelqu'un qui sourit tout le temps. Parce que ce qu'il n'a pas dit, c'est Cédric, c'est qu'il y a... Je suis quelqu'un de très généreux. Attention, je vais te faire plein de compliments. Oh là là. Alors, j'ai connu quand même, j'ai connu Gaëlle, elle était grande comme ça. Mais j'ai été petite un jour, ouais, c'est vrai. C'est ça. Il faut le dire quand même. Non, mais tu es quelqu'un de généreux. Et surtout, tu as une énergie incroyable. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te fait courir comme ça. Merci. Écoute, je suis heureuse de vivre, c'est le principal. Voilà, je crois. Ça. En tout cas, on a l'impression aussi quand on te voit sur scène, on t'écoute sur 10, mais on te voit sur scène, on a l'impression que c'est là où tu te sens le mieux. Oui, exactement. Et puis, c'est surtout, là, on a une salle bondée au Millennium. C'est juste top de partager, en fait, la musique. Nous, on a. Voilà. Nous, c'est un bonheur d'être sur scène. Sur scène chaque soir et de le partager avec un public qui est d'enfer, c'est là où on s'éclate encore plus, quoi, tout simplement. On t'a vu d'ailleurs, tu aimes les scènes, tu aimes les grandes scènes, mais pas seulement. Tu as joué aussi dans le métro à Londres ou à Paris, tu joues dans les hôpitaux pour les enfants, tu joues dans des prisons. On sent que tu aimes jouer, tu aimes partager en tout cas ton amour de la musique. Oui, mais il n'y a pas de limite, hein. Moi c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'on aime la musique, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de différence en fait. On le partage tout simplement. Alors cet amour de la musique, on en parlait tout à l'heure un peu hors antenne, si je le sais, si je crois savoir que c'est ton papa un peu qui t'a... Enfin ta maman aussi qui écoutait beaucoup de musique, mais ton papa était batteur dans un groupe de hard rock. Bon, oui, personne n'est vrai, parfait, mais... Oui, mon papa, dans les années 70, il était batteur dans un groupe de hard rock. Donc voilà, bon, j'ai pas suivi exactement le même chemin, j'ai pas choisi le même style musical. Mais c'est vrai que j'ai grandi avec la musique qu'ils écoutaient des années 70. Donc quand je suis née, j'ai grandi, moi, avec du Janis Joplin, du Joe Cocker, du Led Zepp, du Neil Young. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait partie de moi aussi aujourd'hui, quoi. En tout cas, ton papa est batteur et ton batteur est papa aussi. Exactement. Voilà. C'est un point commun qui partage. Ils sont tous papa tous d'ailleurs deux, sur scène. Il paraît que c'est grâce à une reprise de Tina Turner que tu t'es fait connaître, avec une reprise et une vidéo qui a circulé, qui a fait un petit buzz sur la toile. Il faut dire que tu es quand même un peu habitué au buzz sur la toile. C'est vrai, on avait fait une vidéo de Simply the Best de Tina Turner en acoustique. Et c'est vrai que ça a circulé énormément, ça a fait beaucoup. Enfin, pas mal de bruit, et ça nous a ouvert beaucoup de portes. Alors, tu sais, on a bien épluché un peu, on a fouillé, Cédric et moi, on a été dans la cave, dans le grenier, on a trouvé plein de petits trucs comme ça sur toi, qu'on ne dévoilera évidemment pas, mais d'accord. On sait aussi qu'à 18 ans, t'as joué ou t'as écrit, je ne sais pas, dans une comédie musicale, non ? Ah, vous avez été chercher loin. Ouais, on est comme ça, nous, hein. Non, mais j'étais à la fac. Et tu as écrit, c'est ça ? Oui, il fallait écrire une comédie musicale, voilà. Donc bon, j'en parlerai pas plus, mais j'avais écrit tous les textes, en fait, de cette comédie musicale, qui était sur l'échange, en fait, de la relation des différentes cultures. Mais finalement, toutes ces influences, tu parlais des influences de ton papa, de ta maman, donc qui écoutait plus Janis Joplin, je crois, hein, c'est comme ça que ça se passe, et ton papa qui écoutait plus Hendrix, Led Zepp et compagnie. Tu parlais tout à l'heure de Neil Young, je trouve que parfois dans certaines de tes chansons, il y a du Neil Young, il y a quelque chose qui me fait penser à Neil Young. On t'a vu aussi un peu évoluer musicalement, parce que tu joues à la fois seul, souvent duo aussi avec Michal, en groupe comme on l'a vu, parfois avec un groupe encore plus important, hein, pianiste peut-être, oui, section. Oui. Tu passes allègrement du folk, presque comme une songwriter, à un groupe peut-être plus pop-rock en même temps. C'est comme si tu voulais tout prendre dans tes bras. Peut-être. Moi, j'aime faire de la musique sous toutes ses formes, et c'est vrai que quand on est avec toute la team en électrique, on est plus dans un registre americana. Et justement, ça mélange toutes ces choses que j'aime, qui est le folk, le rock des années 70 et le blues, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive de jouer toute seule à la guitare aussi, parce que j'aime ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps, maintenant, aujourd'hui, avec le deuxième album, on tourne avec toute l'équipe en électrique. Tu vas jouer dans quelques semaines au Sous-Bock, à Caen. Je crois que c'est une salle qui est importante pour toi, parce que justement, là où tu as franchi le pas d'aller jouer devant un public avec tes propres compositions. Exactement, en fait, c'est la première salle de concert, en fait, qui m'a ouvert ses portes avec mes propres chansons. Et à l'époque, c'était avec un groupe que j'avais qui s'appelait Camon, qui était un groupe de blues rock, on faisait de la compo. Et le tout premier concert, on l'a fait là-bas. Et c'est assez génial parce que quelques semaines avant, il y avait Purafé qui était passé là-bas, et je suis une grande fan de Purafé. Donc je trouvais que c'était un grand privilège de jouer là-bas. Et c'est surtout que j'ai pu rencontrer beaucoup de gens comme Neil Black, Elliot Murphy aussi, avec qui j'ai fait des collaborations par la suite. On en parlera, effectivement. Et tout simplement, oui, cette salle, c'est une salle que j'aime beaucoup parce qu'elle m'a donné ma chance, et qu'aujourd'hui, même maintenant, sous mon propre nom, avec mes propres chansons aussi encore aujourd'hui... on en est là aussi aujourd'hui parce que les salles filent un coup de pouce aussi pour lancer tout ça, quoi, tout simplement. Tu parlais de Neil Black, si tu veux bien, on en reparlera tout à l'heure. Oui. On va faire une petite pause musicale. Alors, on a cherché dans l'actualité musicale justement des voix féminines, et on a trouvé ce troisième album d'un duo breton qui s'appelle Bobby and Sue, qui sort en ce début d'année 2016. Leur vrai nom, c'est Violaine Fouquet et Brendan De Ruck. Finalement, c'est pas plus mal qu'ils s'appellent Bobby and Sue. Et ils ont choisi le duo pour, dit-il, aller à la recherche de la pureté, à l'essentiel et à l'émotion. Voilà. Leur album est très intéressant, il s'appelle Spinning Mind. Le titre que l'on écoute s'appelle West Country Blues. Et juste après, on te retrouvera sur la scène du Blues Café. I belong to the sea. Down to the wind, the dark in my own glass. I belong to the city, born and raised. What I haven't been true, I will forever praise. I belong to the wind. I belong to the sea. to the storm. I belong to the rain. The hot and cold. Bobby Ansou, extrait de leur dernier album. Et puis voilà, en discutant hors antenne, et ben, il se trouve que tu les connais, Gaëlle Buswell. Eh oui, oui, oui. Je les connais même très très bien. Michel aussi les connaît très très bien depuis longtemps, longtemps. Et on a eu la chance de faire pas mal de dates avec eux, des festivals et tout. Et c'est des personnes qu'on adore. Et sur scène, ils sont super classe, super sexy. Et c'est à l'image de leur musique, en fait. Eh ben, on va essayer de les inviter dans le Blues Café. On est là pour parler notamment de ce dernier album. Tu as beaucoup de gens qui sont venus t'accompagner sur cet album. Il y a également un morceau de choix sur cet album, The White, une reprise de The Band, si mes souvenirs sont bons. Sorte d'hymne aussi. Il y a également trois artistes choc, Jean-Christophe Panucco, leader des Witch Doctors, qui est quelqu'un qu'on connaît bien aussi, Elliot Murphy, dont on connaît le talent de songwriter, et Neil Black, un ami qui habite pas très loin d'ici, à Vienne, à quelques kilomètres. Alors justement, Neil Black, qu'est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? Je crois que vous aviez déjà collaboré sur l'album précédent d'ailleurs avec Neil. Oui, bah le premier album, en fait, on a collaboré sur toutes les chansons ensemble. Et c'est aussi grâce à Neil Black que j'ai pu lancer justement ce premier album, parce que c'est lui qui est un peu venu me chercher en me disant « Écoute, ce serait bien que tu te lances en solo, que tu fasses tes projets, parce que tes chansons, elles sont bien et ce serait bien de les mettre en avant un peu plus. » Donc il m'a un peu pris par la main au départ en disant « Allez, maintenant, cocotte, t'y vas, tu fonces et puis tu traces ta route. » Est-ce qu'il est intervenu sur la production artistique ? Alors, au départ, c'est marrant parce qu'on devait enregistrer juste 3-4 titres en se disant « On fait un essai ». Et en fait, on est ressorti, on avait 11 titres ou 12 titres sur l'album. En fait, on sortait plus du studio, on écrivait en fait et on composait sur place. Et puis on est parti, on s'est laissé guider par l'aventure. Mais donc il avait quelques arrangements dessus et c'est très acoustique, le premier album. Mais ce titre, sur ce dernier album, ce titre The White, The Wait, plus exactement. Alors The Wait, oui. C'est, attends, tu réunis tout le monde sur un même titre. Je répète ce qu'a dit Cédric, Elliot Murphy, Neil Black, notre professeur de l'université de Caen. Il est professeur, docteur, je ne sais quoi, ouais. Absolument. Mais comment t'as fait pour réunir tout ce monde sur un titre? Non, mais c'était le challenge de se dire, voilà, on voulait faire une reprise, un clin d'œil en fait aux années 60, 70. Et puis c'était un morceau que j'adorais. Elliot adore ce morceau, Neil adore ce morceau, Jean-Christophe Pagnuco adore ce morceau. Et on s'est dit, bah, pourquoi on le fait pas tous ensemble, tout simplement. Et c'était facile de pouvoir en faire un trio, rajouter des chœurs dessus et que tout le monde y participe. Et c'était un peu la façon de clôturer l'album avec. Voilà, c'est. On est. Tous, tous les musiciens, toutes les personnes qui ont collaboré sur l'album, sur une seule chanson. Alors il y a encore un autre invité sur cet album qui se nomme Black and Blue, hein, je le montre aussi Black to Blue, aux millions d'auditeurs. oui, Black and Blue, et puis un autre invité, c'est alors là totalement dans un autre style, hein, puisqu'il s'agit de Patrick Ronda. Exactement, ouais, oui, ça peut surprendre certaines bien personnes. Bien connu dans le milieu rock, effectivement. Exactement, et bah, c'est un ami de longue date, et j'ai toujours voulu qu'un jour on arrive à, voilà, à faire quelque chose ensemble sur un morceau. Et là, le challenge, c'était de le faire jouer en acoustique, en fait, sur un morceau, lui, il est plus électrique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pas parce qu'on fait pas la même musique qu'on n'est pas capable de la faire ensemble. Et c'est ce que j'aime dans la musique, justement, parce qu'elle a pas de limite, et voilà, ça dépasse toutes les frontières, tous les styles, et à partir du moment où on est tous en connexion sur la même chose, ben, on arrive à s'entendre, et surtout on arrive à partager quelque chose où on est tous satisfaits là-dessus, et surtout on prend beaucoup de plaisir à le faire. Cette fameuse générosité, voilà. Aussi. Eh bien, on va être en connexion avec toi sur scène, et le public du Millennium, on va te proposer de rejoindre la scène, okay, pour nous interpréter encore deux titres, probablement extraits de ce nouvel album Black to Blue. Voilà, sous les applaudissements du public du Millennium, Gaël Buswell est ce soir notre invité dans le Blues Café Live. Et voilà, cet album Black to Blue est un très très bel album qu'on vous conseille, bien entendu. Somewhere when I was just a À la guitare ce soir, monsieur Michel Benjamin, s'il vous plaît. Et le prochain morceau, j'aimerais le dédicacer à tous les gens qu'on aime et qui nous quittent beaucoup trop tôt. Et cette chanson s'appelle Selfish Game. Yeah. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le guitariste Michal Nanjaloun. Gaël Bessuel est notre invité ce soir dans le Blues Café. On va lui demander à nouveau de nous rejoindre ici sur la scène du Blues Café Live. Et entre-temps, on a un deuxième invité qui nous a fait un petit coucou dans le Blues Café. Il est venu, il s'appelle Gilles Benoît. Si vous nous suivez sur Internet, vous avez très certainement vu ses dessins. On en a publié un encore aujourd'hui où on nous a croqué, Francis et moi, avec un personnage qui s'appelle Slack, parce que Gilles Benoît est dessinateur. Il est également guitariste à 16 heures. Alors des guitaristes, je ne sais pas s'il lui en reste beaucoup dans ses amis, avec la BD qu'il est en train de faire et qui s'amuse justement des clichés, on va dire, des guitaristes. Bonsoir Gilles. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Bah, c'est un grand plaisir. Comment est né ce projet, Slack ? Alors, c'est né tout simplement du fait que, voilà, passé 45 ans, je me suis dit, et si tu faisais ce que tu as toujours rêvé de faire ? Et j'ai deux grandes passions, donc comme tu l'as un peu évoqué, qui sont la musique et le dessin. Et je me suis dit, quelle idée pour mélanger les deux. Ben en fait, voilà, le milieu de la guitare, c'est quelque chose que des gens que je fréquente depuis l'âge de 15 ans. Et ça m'a toujours fasciné. J'adorais les bandes dessinées qui ont pu exister, faites par Gottlieb, par Margerin, par tous ces gens qui parlaient de la musique rock en général, des groupes, des galères, des choses comme ça. Et voilà, je me suis dit, tiens, allez, allons-y, comme ça, franco. Alors, c'est vrai que c'est assez drôle. Tu égratignes assez ce personnage de hard rocker qu'est cela, qu'il y a... C'est pas évident de parler de BD à la radio, mais je vais quand même y essayer. À un moment donné, on voit un monsieur un peu âgé qui dit à Slack, au fait, tu m'avais pas dit que tu travaillais sur un album il y a quelques mois, t'en es où ? Il répond, j'y suis presque, j'ai déjà passé toute la journée à préparer mes futures interviews pour la presse internationale, il me reste plus qu'à écrire les morceaux. Ouais. Eh ben, figure-toi que ça, c'est quasiment une anecdote véridique. C'est-à-dire que j'étais à la fac à l'époque, à Dijon, et il y avait plein de groupes, comme dans toutes les facs, à l'époque, je dis bien, c'était les années 80. Et comme ça, un jour, j'avais demandé à un pote, et alors, qu'est-ce que vous visez avec votre groupe ? Et il m'avait dit le plus sérieusement, ah ben, écoute, en France, je pense que c'est plutôt le public punk. Mais comme si, voilà, il avait une carrière internationale déjà en tête, alors qu'il avait peut-être deux morceaux qui étaient, en plus, tu te doutes, complètement pourris. Mais enfin, voilà. Donc, mais ça reste des gens tout à fait attachants, charmants, parce qu'ils vivent dans le rêve et c'est des gens lunaires qui n'ont pas les pieds sur terre et ils sont adorables. Enfin, j'espère que cela qui vous paraît sympathique, parce qu'il pour moi, c'est un mec sympathique. Il en est presque touchant, effectivement. Alors, je disais, comme boutade, est-ce qu'il lui reste encore beaucoup de guitaristes dans les amis ? Ben, j'ai plutôt envie de dire que tu t'en es fait, je pense, des amis avec ce projet Slack, notamment oui. Le guitariste de King King, que tu as eu l'occasion de rencontrer, et de Croquer oui. aussi. Oui, alors... Marrant, ce terme, Croquer. Ouais. Oui, alors ça, c'est un peu particulier aussi, parce que je fais partie, par ailleurs, d'une... une société de production, hein, Prod Fiction, dont je ne fais absolument pas ici la publicité, donc qui s'appelle Prod Fiction, et qui fait, j'ai mal prononcé, c'est Prod Fiction. Donc on fait de la captation de concerts aussi, et par ce biais, j'étais invité à assister à un concert de King King que je ne connaissais absolument pas. Avec le fameux Alan Nimmo en kilt. Bon, moi j'ai été à ce concert gratuitement et moi on m'a offert franchement un concert d'une qualité absolument incroyable. Est-ce que c'était parce que ce soir-là on avait des caméras? Je ne sais pas. En attendant, c'était une tuerie pure et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau comme ça? J'ai rien foutu, j'étais assis au premier rang, je me suis délecté du concert avec mon gamin. Je me suis dit, tiens, allez, je vais faire une petite caricature que je vais lui envoyer parce que c'est ça que je sais faire. Et il ne faut jamais douter de la gentillesse des gens parce que j'ai eu immédiatement d'excellents retours de non seulement d'Alan, mais aussi de Lindsay, qui est son bassiste, qui est plus chargé de la com, etc. Et qui m'a demandé s'il pouvait en faire un pins dont j'ai, figure-toi, deux exemplaires que formidable. J'ai apportés avec moi pour Gaël et toi. Merci. Désolé Francis. C'est pas grave, je lui en ferai une copie. Gaël, comment t'as découvert le travail de Gilles? Moi j'ai eu un coup de cœur pour ce qu'il faisait et moi je suis une nature curieuse, quand j'aime bien quelque chose, je vais tout découvrir. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout ton univers en fait, qui est même au-delà de la BD parce que t'as plein de choses aussi... qui sont au niveau des graphismes et tout ça, et qui sont assez remarquables. Ben, il a même fait la pochette d'un album, d'un groupe lyonnais qui s'appelle Les Chic Types. Le premier album, il y a déjà quelques années de cela. Donc, mais qui est le bassiste de ce groupe? Merci Gilles, en tout cas, on donne la référence. Et, il y a un site, gillesbenoit.com, et également on te retrouve sur Facebook avec la page Slack. Une page Slack, voilà. Et je vous remercie énormément. Et Gaël, bravo, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Gaël, on va revenir sur ton parcours, sur ton album. Et il y a vraiment quelque chose dont j'ai envie que tu nous parles. C'est ton voyage aux États-Unis. J'ai l'impression que tu as fait, il y a quelques mois, le rêve de ta vie, road trip aux États-Unis. On a vu les photos de ce voyage sur ton compte Facebook et on a partagé le bonheur qui était le tien à ce moment-là, je pense. J'espère que j'ai réussi à vous faire voyager de la bonne façon. Oui. C'est vrai que c'était un rêve de, je pense, comme tous les musiciens qui aiment le blues et la musique même tout court, de faire cette route 66. Et c'est vrai que j'ai eu l'honneur de pouvoir le faire. Et ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Et voilà, moi je suis du genre à vouloir réaliser mes rêves parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Et du coup, voilà, on est parti 45 jours et on a traversé tous les États-Unis. On a traversé depuis la Californie et on est même remonté jusqu'à Montréal en voiture. Et on a traversé 17 États, je crois. Ouais. Et c'était juste... Non, c'était magique. On a rencontré des gens fantastiques. On s'est laissé surprendre, en fait, au fil du temps, au fil des jours. On a été à la rencontre des gens. Enfin, vraiment, on a vécu quelque chose assez inoubliable. Et j'ai qu'une envie, c'est repartir. Il aurait fallu que tu rencontres aussi celle dont on dit que ta voix se rapproche de la sienne, Bonnie Raitt. Ça me fait plaisir et j'aimerais beaucoup avoir la carrière musicale qu'elle a. Et surtout, non, mais c'est une, pour moi, c'est la boss du blues, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que ta musique s'exporte d'ailleurs aux États-Unis? Oui, il y a pas mal de choses, surtout sur le Canada. Sur le Canada, pas mal d'endroits aussi en Europe. Et sur les États-Unis, ça commence à bien... Enfin, ça commence à se développer. On a des petites radios, en fait, qui nous diffusent un petit peu partout. Et des fois, c'est assez surprenant. Et je me suis retrouvée à aller jouer au Texas et avec des gens qui écoutaient ce que je faisais. Et c'est assez surprenant, en fait. J'ai l'impression de tomber au milieu de nulle part. Et puis les gens disent « Ah, je connais ce que tu fais et tout, j'adore. » Ça fait vraiment plaisir, en fait. Surtout qu'on essaye de... On défend une culture musicale qui est autre que la nôtre à la base et ça fait plaisir quand ils sont heureux de la partager avec nous et qu'on se dit waouh. Alors on fait un album un an, tous les ans, tous les deux ans et puis on tourne beaucoup et toi tu tournes énormément, hein, il me semble. On va pas révéler toutes les dates, je crois que tu as des projets qui sont d'excellents projets, magnifiques projets je crois qu'on va qui avoir sont une... en chantier, mais je crois qu'on n'a pas le droit non, encore on a pas de les citer. Pas encore, mais on va avoir une excellente année citer... 2016. Voilà, je peux peut-être citer au moins les deux dont j'ai appris l'existence seulement hier soir. Oui. Quelques dates au Maroc. Oui, on va aller jouer à Ça va changer un peu du Canada. Ouais. Ça va être un peu plus froid. Je sais pas. Et puis un partenariat avec Oui FM, qui est une grosse radio rock nationale, avec Disney. Exactement. Oui. Et qui te permet d'avoir quelques dates donc au Billy Bob's, qui est le lieu mythique des concerts de Disney. Tout à fait. Voilà, il y a peut-être d'autres révélations que tu peux nous faire avant de revenir sur la scène du Blues Café. Alors c'est vrai qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup être sur scène, et c'est pour ça qu'on va avoir une année chargée en 2016, surtout cet été. Et puis voilà, on a le projet de vouloir commencer à travailler sur un nouvel album aussi, donc ça va prendre du temps, et voilà, un de mes rêves de cette année, et que j'espère réaliser, et je vais tout faire pour le réaliser, c'est de pouvoir l'enregistrer de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est quand même un gros projet qu'on a cette année de réaliser ça, et puis voilà, on va être beaucoup sur la route aussi, et vous allez découvrir tout ça très très très très vite. Et ben on continuera à suivre en tout cas ton actualité, ça fait plaisir. En plus, de abonnez-vous au compte Facebook de Gaël Buswell, vous allez voir, si vous êtes un peu déprimé, ça fait du bien à la santé. C'est vrai que c'est gentil. Tu as une joie de vivre qui est communicative. On te retrouve sur la scène du Blues Café. Merci beaucoup d'être venu nous voir. L'album s'appelle Black to Blue et on peut l'applaudir, Gaël Buswell. Et ses musiciens, il y a Michal à la guitare, Xavier à la basse et Jimmy à la batterie. Qui s'appelle Black to Blue. C'est un titre qui a été écrit par Elliot Murphy. I can't even say the future looks bright. I really don't know if I'm gonna be alright. But when it comes down to thinking about you, at least I can say one thing is true. I've gone from black to blue, black to blue. I've gone from black to blue, black to blue. It's really sure when you're looking out the window. So many doors. After all this time, as a matter of fact, I'm just barely off of my back. I've gone from black to blue, black to blue. I've gone from black to blue. Black to blue. I was a good girl, won't you seem true? I never fooled around with somebody like you. But now my halo is not so fine. It's old and it's tarnished and it's lost its shine. It's gone from black to blue. Thank you. Merci. Jimmy Montou à la batterie, Michal Ngeloun à la guitare, Xavier Zoli, je l'ai bien dit, à la basse, et Gaël Buzuel au chant et à la guitare. On les applaudit. Merci. Gaëlle Buswell était ce soir l'invité du Blues Café merci Live. À tous. Un grand merci à elle, un grand merci à toute l'équipe du Millennium. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, on se retrouve sur le www.bluesactu.com. Ciao, ciao. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr. You got my hopes so high. Did walk out like a blinded.